السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنتدارس اليوم موضعا عظيما من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حجة الوداع. وقد وقع في السنة العاشرة بعد الهجرة على صاحبها الصلاة والسلام. ورأينا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر أميرا للمسلمين وأمهم في الحج، ولموانع حصلت لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، بل كما سمعتم أرسل أبا بكر مع المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم والحج الوحيد الذي حجه من البعثة إلى موته عليه الصلاة والسلام. Nous allons étudier inshallah ta'ala un passage très important de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le pèlerinage d'adieu qui a eu lieu l'année qui a suivi le pèlerinage de Abu Bakr et des croyants. Ce pèlerinage à la tête duquel il y avait Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur de la communauté. Et il a été désigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce pèlerinage est appelé Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu. Il a d'autres appellations. Et on l'appelle Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu, car dans ce pèlerinage, le prophète alayhi salat wa sallam faisait ses adieux aux musulmans. Également, car il n'a plus accompli le Hajj après cela. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, on trouve que Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, nous dit que le prophète, alayhi salat wa salam, faisait ses adieux aux gens. Et il disait, هذه حجة الوداع, voici le pèlerinage d'adieu. Deuxièmement, on appelle ce pèlerinage Hajjatul Islam, le pèlerinage de l'islam. On l'appelle également Hajjatul Tamam ou Hajjatul Balagh. Hajjatul Tamam et Hajjatul Balagh, le pèlerinage durant lequel les choses ont été complétées. En référence au verset qui a été révélé le jour de Arafah, le vendredi. C'était un vendredi, Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai complété votre religion, ou parachevé votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. Accompli, na'am, agréé pour vous comme religion l'islam. Ce verset est un verset azim qui a été révélé le jour de Arafah, alors que le prophète alayhi salat wa salam était à Arafah. Il n'y a plus eu par la suite de grande législation qui a été révélée. On l'appelle également Hajjatul Bala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis beaucoup de choses durant ce pèlerinage. Il leur a transmis les choses et il leur a rappelé ce qui leur a été licite, tout comme ce qui leur était muharram, interdit. Et il leur disait, hal ballagt, vous ai-je transmis, Allahumma shahad, ou Allah soit témoin, ou Allah soit témoin. Quel était le nombre des compagnons lors de ce pèlerinage? Après avoir vu les différentes appellations de ce pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salat wa salam, voyons maintenant quels étaient ou quel était le nombre des sahaba radiallahu anhum. Ils étaient plus de 100 000. Ils étaient plus de 100 000 pour le premier pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis l'événement ou l'avènement de la révélation. Troisièmement, une question qu'on peut se poser, هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا؟ Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم avait déjà accompli le pèlerinage avant ce pèlerinage d'adieu? Est-ce qu'il avait déjà accompli le pèlerinage avant son pèlerinage d'adieu? La réponse est oui. Il a accompli le pèlerinage, mais avant de devenir prophète. Il a accompli le pèlerinage, mais avant de devenir prophète. Et il a accompli plusieurs Omar. C'est le pluriel de Omra. Il a accompli plusieurs Omar. Alayhi as-salatu wassalam. Il a effectué le Hajj. Il a effectué l'Omra avant. Il a effectué une fois le Hajj après la révélation sallallahu alayhi wa sallam. Quant au Umrah qu'il a effectué, nous avons étudié ces quatre points de sirah. Il a fait Umratu al-Hudaybiyya lorsque on l'a empêché d'avoir accès à la maison sacrée, mais on lui a inscrit quand même comme étant une Umrah. Ils sont sortis de l'Ihram, sont rasés la tête, ils ont sacrifié les bêtes. On a vu ensemble Umratul Qadha, Umratul Qadiyya, la Umrah qu'ils ont faite l'année suivante suite au traité entre Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. On a vu lorsqu'il est parti de Taif qu'il a accompli l'Umrah. C'est la troisième, à partir de Dir'ana, lorsqu'il est revenu de Taif. Et au final, il a fait comme rite du Hajj al-Qiran. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer la Umrah dans le Hajj. Donc il a effectué quatre Umrah. Quant au Hajj en Islam, c'est-à-dire après la révélation, il a effectué un seul pèlerinage. Quelle est la preuve que le prophète alayhi salatu wassalam, avant de devenir prophète, a accompli le Hajj? Nous avons dans le recueil de l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, le hadith de Jubayr ibn Mut'im. Et en réalité, on l'a déjà étudié. On a déjà vu ce passage au début de l'étude de la Sira. Lorsqu'il a perdu sa monture, son chameau, alors il est parti à sa recherche. Et il l'a cherché à Arafah. Et il nous dit qu'il a vu le prophète alayhi salat wa salam à Arafah. Ça c'était durant le Hajj. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam debout à Arafah. Faqala wallahi inna hadha la min al-hums. Il s'est étonné. Il a dit que le prophète alayhi salat wa salam fait partie de l'hums. C'est ainsi qu'il surnommait les gens de Quraysh. Ça veut dire ceux qui sont durs dans le din, ceux qui sont durs dans le suivi de leurs ancêtres dans le din et autres. Pourquoi est-ce qu'il a dit cette parole-là? Pourquoi est-ce qu'il s'est étonné de voir le prophète alayhi salatu wassalam à Arafah? Parce que Arafah, ça ne fait pas partie du territoire sacré. Ça fait partie de l'Hil. Et Quraysh, pendant le Hajj, ne sortait pas du périmètre sacré. Il disait pour les étrangers, pour les autres, c'est pour les autres ça. Le fait d'aller dans yani Arafah. Quant à nous, on ne sort pas du périmètre sacré. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, il était sur la voie du prophète Ibrahim, alayhi salam. Et il faisait le hajj comme Allah, azza wa jal, a ordonné. ainsi il allait à Arafat. Ce hadith nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà accompli le pèlerinage avant d'avoir reçu la révélation. On trouve également un hadith dans le recueil de l'imam Tirmidhi et de l'imam Ibn Majah qui mentionne qu'il a accompli 3 fois le hajj. Mais il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission. Donc certains savants l'ont retenu, comme l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, et d'autres ne l'ont pas retenu. Quoi qu'il en soit, nous avons des preuves qu'il a déjà accompli le pèlerinage avant de recevoir la révélation. Avant de recevoir la révélation. Et on sait tous que les Arabes étaient sur la religion d'Ibrahim avant de la modifier, de tomber dans le polythéisme. Et dans la religion d'Ibrahim alayhi salam, il y avait le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait annoncer que cette année il allait accomplir le pèlerinage. Donc il s'est préparé et les gens se sont préparés. Et toute personne qui a eu la capacité d'atteindre Al-Madinah s'est déplacée, que ce soit à dos de cheval, à dos de chameau, ou même à pied pour certains, ils sont venus à Al-Madinah. Pourquoi cela? En espérant prendre pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur rite et accomplir le pèlerinage en conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est parti à la fin du mois de Dhul-Qi'dah. Comme c'est venu dans le hadith d'Aïcha radiallahu anha et autres, kharaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min khamsin baqina min Dhul-Qi'dah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Al-Madinah alors qu'il est resté 5 jours dans le mois de Dhul-Qi'dah. Alors qu'il est resté 5 jours du mois de Dhul-Qi'dah. Le point suivant, quelle année a été rendu obligatoire le pèlerinage? En quelle année a été rendu obligatoire le pèlerinage? Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit que le pèlerinage a été rendu obligatoire en l'an 10. Et il y a une divergence, mais lui voit que l'avis prépondérant est de dire que c'est en l'an 10. D'autres parmi les savants disent en l'an 9. Donc ce sont 2 avis forts. Ça a été rendu obligatoire en l'an 9 ou en l'an 10. En l'an 9 ou en l'an 10. Et d'autres parmi les savants disent bien plus tôt que cela. Et ils utilisent leurs arguments pour dire que le hajj est obligatoire, mais que ça n'est pas une obligation de le faire immédiatement qu'on a la capacité, mais qu'on peut repousser. À l'image de celui qui a raté des jours de jeûne, il est obligé de les rattraper, mais ça n'est pas une obligation à l'al-faw, bel à l'al-tarahi. C'est une obligation, mais le fait de repousser le rattrapage ne cause pas de péché. Donc eux avaient cet avis, ils disaient qu'on doit faire le hajj, mais on peut le repousser sans prendre de péché. Les autres parmi les savants disent non, bien au contraire. Une fois que la personne a la capacité, c'est-à-dire elle est musulmane, elle a la raison, elle a atteint la puberté, elle a les moyens, la sécurité du chemin, il lui est obligatoire de faire le hajj immédiatement. Une fois le mois venu, il est obligé de partir au pèlerinage. Dans le cas contraire, à chaque fois qu'il repoussera, il sera dans le péché. Et ceci est l'avis prépondérant. Et c'est l'avis qui est en concordance avec les textes. C'est l'avis qui est en concordance avec les textes. Quant au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah » Complétez le hajj et la umrah pour Allah. Dans ce verset, il n'y a pas l'ordre. Donc, pourquoi est-ce qu'ils disent que ce verset est une preuve déjà? Parce que les savants sont d'accord pour dire qu'il a été révélé en l'an 6. Ils sont d'accord pour dire que ce verset a été révélé en l'an 6. Donc certains ont dit, ah, alors le hajj a été rendu obligatoire en l'an 6. Mais les autres savants ont réfuté cela comme Ibn al-Qayyim et d'autres, en disant qu'il n'y a aucunement dans ce verset la preuve que ça a été rendu obligatoire. Mais plutôt que celui qui commence le hajj ou commence la umra, il a l'obligation de la compléter. Celui qui commence le hajj ou commence l'amra, il n'a pas le droit de l'arrêter. Il est obligé de compléter cela. Voici ce qu'il y a dans le verset. Non pas qu'il a été rendu obligatoire durant l'année 6. Et quoi qu'il en soit, il n'est pas permis de penser que le prophète alayhi salatu wassalam, on lui a ordonné le hajj, et on a ordonné aux sahaba le hajj, et que la plupart d'entre eux ont délaissé le hajj, malgré la capacité. Non. Mais ce qui est connu de la voix du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il s'empressait de faire les bonnes œuvres. C'est qu'il s'empressait de faire les bonnes œuvres. Et Allah dit dans le Coran, fastabiqul khayrat, et empressez-vous de faire les bonnes choses. Empressez-vous de faire les bonnes choses. Et dans le cas où ça avait été rendu obligatoire plus tôt, seuls des empêchements auraient repoussé l'agissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des compagnons. Et le verset qui rend obligatoire le hajj est le verset dans lequel Allah azza wa jalla nous dit walillahi ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Hajjul bayt, c'est une lecture, hajjul bayt c'en est une autre. Et c'est un devoir pour les gens vers Allah que d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Pour celui qui en a la capacité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ta'ajjalu ila faridatillah ou ta'ajjalu ila al-hajj. Empressez-vous d'accomplir le pèlerinage, c'est-à-dire l'obligation, le pilier de l'islam. Car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui peut lui arriver, peut se retrouver dans des difficultés ou dans dans la maladie ou avoir un empêchement ou autre. Naam. Ainsi, il convient au croyant, une fois qu'il a la capacité, de se précipiter. Wa'adiltu ilayka rabbi litarda. Moussa alayhi salam, comme c'est mentionné en sourate Taha, et je me suis précipité de venir vers toi, ô mon Seigneur, afin que tu sois satisfait. Ainsi, Allah azza wa jal aime de nous lorsqu'il nous ordonne une chose, qu'on n'accourt à cette chose, qu'on se dépêche de l'accomplir. Et nombreux sont les textes plus généraux qui nous montrent le fait de s'empresser d'accomplir les bonnes actions. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nobles compagnons qui ont parfaitement mémorisé chacune de ses adorations et qui l'ont parfaitement par la suite transmise. Et ils nous ont expliqué le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière la plus claire, comme si on était avec lui lors du pèlerinage. Ils n'ont pas laissé une étape du hajj, de la sortie jusqu'au retour, sans nous le mentionner dans un hadith. Faradiyallahu anhum ajma'in, qu'Allah les agrée tous. Et lorsqu'on a appelé et qu'on a informé les musulmans de la sortie du prophète alayhi salatu wassalam pour le hajj, comme je l'ai dit tantôt, ils se sont tous réunis. Toute personne qui a eu la capacité est venue. Est venue à Al-Madinah. Ils habitaient dans toute la péninsule arabique. Certains étaient très éloignés, mais toute personne qui a eu la capacité est venue. Que ce soit sur le chameau, que ce soit sur le cheval, que ce soit à pied même, subhanallah. À un point tel qu'une femme a dit au prophète alayhi salatu wassalam qu'ils ont deux chameaux. Dans la famille, ils ont deux chameaux. Le premier, son père et une autre personne de la famille l'a utilisé pour partir au hajj. Et le deuxième, il sert à porter l'eau. Donc je n'ai pas pu accomplir le hajj. Naam, je n'ai pas pu accomplir le hajj. Pour vous dire que, subhanallah, la personne qui ne partait pas, c'était que celle qui n'a pas trouvé une monture ou qui n'avait pas la capacité. Il a même dit à une femme, tu n'as pas accompli le hajj. Elle a dit, qu'elle était malade et qu'elle était souffrante. Naam, qu'elle était malade et qu'elle était souffrante. Et il lui a dit d'accomplir une umrah. Il lui a dit d'accomplir une umrah dans le mois de Ramadan. Puis il lui a annoncé la bonne nouvelle qu'une umrah accomplie ou effectuée dans le mois de Ramadan, ta'adilu hijja, ça équivaut à un pèlerinage. Celui qui n'a pas la capacité de faire le hajj, le prophète alayhi salatu wassalam a orienté cette femme à faire quoi? À faire une umrah dans le mois de Ramadan. Car avec cela, elle aura la récompense d'un hajj bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes pourraient se demander pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Abu Bakr en l'an 9 et pourquoi lui-même n'a pas accompli le pèlerinage à la tête des musulmans. Et ça va en citer plusieurs sagesses, entre autres deux grandes. La première, c'est qu'il restait, il y avait des restes de la période anti-islamique, des choses de la jahiliya, des mauvaises choses dans lesquelles il ne convient pas au prophète alayhi salatu wassalam d'être mélangé. Par exemple, il y avait encore le tawaf nu de certains associateurs et de certaines associatrices, des mouchrikoun. Pourquoi? Parce que dans leur jahiliya, ils avaient cette habitude. Celui qui voyage pour venir à Mecca pour accomplir le hajj, il ne fait pas le tawaf avec autre que des vêtements des gens de Mecca. Il ne fait pas le tawaf avec autre que des vêtements des gens de Mecca. S'il en trouve, il enlève ses vêtements, il met les vêtements des gens de Mecca. S'il n'en trouve pas, il se déshabille, même si c'est une femme. Wal'iyazu billah, même si c'est une femme. Faisait le tawaf nu, qu'il soit un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que dans leur égarement de la jahiliya, il ne faut faire le tawaf qu'avec des vêtements des gens de Mecca. Dans le cas contraire, on se déshabille, on fait le tawaf. Donc le prophète sallam n'allait pas aller se mélanger à eux. Et aussi, il y avait des associateurs qui faisaient encore tawaf et qui commettaient du shirk. Naam. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc envoyé Abu Bakr afin qu'il annonce qu'après cette année, aucun associateur ne fera le hajj. Et personne ne fera tawaf nu. Par la suite, il a envoyé aussi Ali ibn Abi Talib. Et Abu Bakr a envoyé Abu Huraira. Et ainsi de suite, ils ont annoncé, ils tournaient à Mina. Et ils informaient de ces règles énoncées par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est une grande sagesse pour laquelle le prophète sallam a repoussé le hajj à l'année suivante. Deuxièmement, une autre grande sagesse, c'est que az-zaman istadar, c'est que le temps a été rétabli comme Allah azza wa jal l'avait fixé à la base. C'est-à-dire que les polythéistes jouaient avec les mois sacrés, avec le temps. Durant les mois sacrés, ils n'avaient pas le droit de faire la guerre, par exemple. Alors, lorsqu'ils voulaient faire la guerre, ils repoussaient, par exemple, Dhul-Qi'da. Ils le repoussaient de quelques jours pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et ensuite, ils disaient, Dhul-Qi'da commence le lendemain, par exemple. Qu'est-ce que ça avait comme conséquence de décaler les autres mois? Qu'est-ce que ça allait avoir comme conséquence dans Dhul-Hijja? Ça allait avoir comme conséquence que le jour de Arafah n'est pas le jour de Arafah, par exemple. Et Allah Azza wa Jalla a voulu qu'en l'an 10 de l'Égypte, le temps revienne, les jours reviennent comme le jour où Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre. Donc que le jour de Arafah soit le jour de Arafah, que le jour du Eid al-Adha soit le jour du Eid al-Adha, qu'Ayyam al-Tashriq soit Ayyam al-Tashriq. Voici deux grandes sagesses, deux grandes causes pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam a repoussé le hajj de l'an 9 en envoyant Abu Bakr à l'an 10. Et ça va aussi mentionner qu'il était occupé par les ennemis du din. Il était occupé par les ennemis du din. Naam. Et cela passait avant. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam est donc sorti en l'an 10 de l'Hijra, dans le mois de Dhul-Qi'da, alors qu'il restait de ce mois-ci 5 jours. Il restait de ce mois-ci 5 jours. Comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, il a rapporté le Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Il est sorti avec ses vêtements habituels. Il est sorti avec ses vêtements habituels. Les Sahaba nous rapportent l'image qu'on voyait lors de la sortie du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam et des musulmans pour le Hajj. Allahu Akbar. Ils étaient plus de 100 000, le Sahabi nous dit, à portée de vue. Il dit devant lui, à portée de vue déjà. À sa droite, pareil. Derrière lui, pareil. À sa gauche, pareil. Et ils ont avancé jusqu'à atteindre Dhul Hulayfa, qui est le miqat des habitants de Médine et de tous ceux qui passent par Al-Médine. De tous ceux qui passent par Al-Médine. Il est à 15 minutes de la ville, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est très proche. Arrivé à Dhul Hulayfa, Asma bint Umays wada'at. Arrivé à Dhul Hulayfa, Asma bint Umays radiallahu anha a enfanté de son fils Muhammad. A enfanté de son fils Muhammad. Qui est Asma bint Umays? Et Muhammad et Muhammad ibn Uman. On l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pour ça que je me permets de vous questionner. Indaman. Zawjatu Ja'far. Taïb, filhin had. Ahsant. Zawjatu Abi Bakrin Siddiq. Fa waladat bi mawladat man Muhammad. Bna Abi Bakrin Siddiq. Elle a enfanté de l'enfant de Abu Bakr, Asma bint Umays. Et il a appelé son fils Muhammad. Il s'appelle Muhammad ibn Abi Bakr. Alors elle a envoyé des gens questionner le prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'elle va faire son hajj alors qu'elle vient d'accoucher et que la femme qui accouche a un nifas? Elle a l'éloshi, le sang des loshi. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit de prendre un tissu et de le serrer, car elle a l'écoulement, et de faire comme fait le pèlerin. C'est-à-dire, elle se met en état d'ihram. On est à Dhul Hulayfa, elle se met en état d'ihram elle aussi. Ainsi, on comprend l'erreur manifeste de certaines femmes qui n'osent pas, soi-disant par pudeur, bien que c'est une honte seulement et blâmable, de ne pas questionner sur sa religion. Certaines femmes en menstruent parce qu'elles ont leurs règles ou autres, elles ne se mettent pas en état d'ihram alors qu'elles veulent faire, le hajj ou bien l'umrah. Ça, c'est une grosse faute. La personne qui fait ça, elle doit retourner au miqat, se mettre en état d'ihram et ensuite reprendre. Quant à celui qui veut le hajj et l'umrah, et il a dépassé les miqat sans ôter ses vêtements et se mettre en état d'ihram pour les hommes, par exemple, alors elle a délaissé une obligation. Elle a délaissé l'obligation. C'est-à-dire qu'il fait l'ihram, mais il reste encore avec ses vêtements. Lui, il devra sacrifier un mouton ou le faire sacrifier, le donner aux pauvres du haram. Aux pauvres du haram. Tout ça pour dire que la femme, elle doit se mettre en état d'ihram. Sans l'ihram, il n'y a pas. Yani sans l'ihram, elle a délaissé un pilier. Sans l'ihram, elle n'a pas commencé le hajj. Quant à la personne qui part de Médine à Mecca, mais qui ne veut pas faire le hajj ou l'umra, alors il n'y a pas d'ihram. Mais pour celui qui veut faire l'umra ou le hajj, naam, il est obligé de faire l'ihram. C'est quoi l'ihram? C'est niyatul dukhul fi nusuk. C'est de mettre l'intention d'entrer dans ce rite-là. Soit l'umra, soit le hajj. Quant aux vêtements, deux étoffes, rida qui couvre la partie supérieure et izar qui couvre la partie inférieure, ça c'est pas l'ihram, ça c'est libas ou l'ihram. Ça c'est le vêtement du ihram. Quant à l'ihram, c'est l'intention. L'intention de faire le hajj, ou bien l'intention de faire al-umrah. Ainsi, la femme, elle met l'intention, elle prononce la formulation, et elle fait la talbiyah, et elle fait tout ce que font les pèlerins, sauf qu'elle ne va pas faire le tawaf. Sauf qu'elle ne va pas faire le tawaf. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivé au Miqat, à Dhul Hulayfa, Jibril alayhi salam lui est venu et il lui a transmis l'ordre d'Allah azza wa jal de prier fi hadha al-wadi al-mubarak al-aqiq. Jibril alayhi salam lui a ordonné ou lui a transmis qu'Allah azza wa jal lui ordonne de prier dans cette vallée bénie. Dans cette vallée bénie. Quelle est cette prière? Là, ça a été cité de manière absolue. Est-ce que c'est deux raka'ah spécialement pour l'ihram? Alors c'est une sunna quand tu te mets en état d'ihram de faire deux raka'ah. On voit que le prophète sallam a accompli une prière comme le dhuhr ou autre. Donc c'est ça cette, la salat. C'est pas une salat particulière. Néanmoins, les savants disent la personne va faire le wudu. Alors elle va faire deux raka'ah. Alors elle va faire de la elle va faire une prière, s'il n'y a pas une prière obligatoire, une prière où il y a une cause, comme la personne qui a fait le wudu. Comme la personne qui a fait le wudu. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé pour l'ihram. Ainsi la sunna, pour celui qui veut se mettre en état d'ihram, c'est de se laver avant de se mettre en état d'ihram. C'est de se laver avant de se mettre en état d'ihram. Il a donc enlevé ses vêtements à l'abri des regards et il s'est lavé. Suite à cela, la mère des croyants, son épouse Aisha radiallahu anha, tayyabathu, le parfuma. Est-ce qu'il a mis le vêtement du ihram, ensuite elle l'a parfumé? Ou bien il s'est lavé, elle le parfuma, et seulement ensuite il a mis le vêtement du ihram. Ainsi cela s'est déroulé. Il s'est lavé, il a fait le wudu pour madha, pour prier probablement, ou bien il s'est lavé du moins. Le wudu c'est dans le passage du tawaf. Puis Aisha radiallahu anha le parfuma. Elle le parfuma, yani, je te parfume là-bas, je te parfume la poitrine. Et après seulement, il enfila ses vêtements. Après seulement, il enfila ses vêtements, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fini cela, أهل جابر بن عبد الله نودي أهل بالتوحيد. prononcer la talbiya, la formulation du tawhid. Donc il est rentré dans le rite après cela. Les savants divergent car on a plusieurs hadiths. Certains ont dit directement après il s'est mis en état d'ihram. D'autres ont dit non, c'est lorsqu'il est reparti et monté sur sa monture qu'il s'est mis en état d'ihram. Et d'autres ont dit non, c'est quand il a quelque peu avancé. L'avis prépondérant chez certains savants est ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. C'est qu'en réalité, il a répété l'ihlal plusieurs fois. Et que chacun rapportait ce qu'il a vu. Si toi tu dis, j'ai vu Abdullah, il avait un sac. Et qu'un autre dit, j'ai vu Abdullah, il avait deux sacs. Et qu'un troisième dit, j'ai vu Abdullah, il avait trois sacs. Toi, tu l'as vu avec deux sacs. Il ne te convient pas de te précipiter et de dire que les deux autres sont des menteurs. Non. Au moment où toi, tu l'as vu, il avait tel nombre. Mais peut-être qu'avant, il avait un nombre différent et après, il avait un nombre différent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ici, comme Abdullah ibn Abbas nous le mentionne, ça s'est répété. Ça s'est répété. Et il l'a prononcé une première fois après s'être lavé. Et là, certains sahaba l'ont vu et ont rapporté cela ainsi. Il l'a prononcé une deuxième fois lorsqu'il est monté sur sa monture. À ce moment-là également, d'autres compagnons l'ont vu et l'ont rapporté. Et il a prononcé une troisième fois lorsqu'il s'en alla et d'autres encore parmi les compagnons, Al-Bayda, l'ont vu et l'ont rapporté. Ainsi, les savants sont tous d'accord pour dire, quel que soit le moment de ce qu'on vient de mentionner, où il entre en état d'ihram, ça sera valable. Ça sera valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le rite de l'qiran, c'est-à-dire de faire entrer la Umrah dans le Hajj. D'autres parmi Sahaba al-Ifrat, faire que le Hajj, à un point tel que certains parmi Sahaba ont dit on ne connaissait pas la Umrah. C'est-à-dire le rite al-Tamattu', celui qu'on fait pratiquement tous. Arriver, se mettre en état d'Ihram ou Miqat, faire la Umrah, sortir de l'Ihram, et attendre Yom al-Tarwiyah, le 8e jour de Dhul Hijjah, pour re-rentrer en Ihram et partir à Mina. Ça s'appelle al-Tamattu'. Tu fais une Umrah, tu sors de l'Ihram, puis tu fais Al-Hajj. Sahabi qui rapporte le hadith dit, nous, on ne connaissait pas le tamattu'. Yani, on ne connaissait pas l'Umrah. Faire une Umrah. Eux, ils voulaient Al-Hajj. Ils voulaient Al-Hajj. Le Prophète a laissé à chacun le choix de choisir entre ces trois rites. Chacun a fait comme il l'a voulu et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a fait le qira'. Jabir ibn Abdullah nous dit, Ahalla bit tawhid. Ainsi, cette parole, le tawhid, n'est pas une parole apportée par les savants pour mentionner la terminologie d'un terme qui n'a pas été mentionné dans le Coran ou la Sunna, non. Mais c'est un terme religieux qui est présent dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ses dérivés sont présents dans le Coran. Et ici, on le voit clairement, Ahalla bit tawhid. At-tawhid étant le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans ce qui lui est propre. Ifradullah ta'ala bima ikhtassu bih. Et ce qui est voulu de manière générale, directement, c'est tawhidul ibadah. Et les deux autres entrent par la suite. C'est-à-dire unifier Allah Azza wa Jal de par nos actes d'adoration. Et ce qui est voulu par cela ici, c'est labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. As-sahaba, et avant eux le prophète alayhi salatu wassalam, ont tous beaucoup donné d'importance à la talbiya dans le chemin de Dhul Hulaifa jusqu'à arriver à Mecca. C'était leur préoccupation majeure et leur action majeure, prononcer at-talbiya. Et ils élevaient fortement leur voix en prononçant la talbiya, ils la criaient littéralement. Pourquoi cela? Car le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, j'ai oublié le terme du hadith, khayrul hajj, al-fajj wal-hajj. Le meilleur pèlerinage, c'est lorsqu'on élève la voix de par la talbiya, et lorsqu'on fait couler le sang, c'est-à-dire tu sacrifies des bêtes pour al-hadi. Plus tu cries la talbiya et plus tu sacrifies des bêtes pour le hajj, plus c'est aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de bêtes et quelles étaient les bêtes que le prophète alayhi salatu wassalam a sacrifiées? On verra cela inshallah ta'ala en arrivant à ce passage. Puis le prophète sallallahu alayhi wassalam donc s'occupait de la talbiya. Et certains parmi les sahaba ajoutaient à la talbiya du prophète sallallahu alayhi wassalam et ne leur interdisait pas cela. Il ne leur interdisait pas cela. Et il ajoutait at-tahlil durant le voyage. C'est-à-dire qu'il disait labbaik Allahumma labbaik beaucoup. Mais il disait aussi par moments la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa hakala. Arrivé à Taïb, avant ça, une remarque importante. Ils étaient plus de 100 000. Et ils ont avec eux la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, le meilleur des pèlerins, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, personne ne répète après le prophète sallam la talbiya en cœur. Non. Chacun prononce sa propre talbiya. Et s'il s'avère que la voix se mélange, les voix se mélangent ou tombent en concordance, nul reproche. Mais il ne faut pas viser cela. Il n'y a pas de zikr jama'i. Il n'y a pas de zikr jama'i à faire. Chacun fait son zikr. Que soit les adhkar après la salat, que soit les invocations du matin, que soit les invocations du soir. Et subhanallah, il y a de cela proche de Allah a'lam 15 ans ou plus ou moins. Dans une mosquée à Rony, Allah s'il on priait pour une raison ou une autre le Fajr là-bas. Naam. Et l'imam par la suite, faisait les adhkar, adhkar al-sabah. Il les psalmodiait comme on psalmodie le Coran. Et ça, ça n'est pas légiféré. Puis lui, les gens autour de lui psalmodiaient avec lui, en groupe. وَهَذَا لَيْسَ مِنَ السُنَّةِ. Ceci ne fait pas partie de ce qu'ont fait les compagnons avec le prophète alayhi salatu wassalam. À la kulli hal, on ne fait pas le zikr en groupe, que ce soit dans le chemin, que ce soit dans le tawaf. Une personne dit, par exemple, ماذا يا حي يا قيوم, et tout le monde crie derrière, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, tout le monde crie derrière برحمتك نستغيث. Non, chacun fait son zikr. Mais si une personne est ignorante et que tu veux lui enseigner, par exemple arriver au coin yéménite de dire Rabbana atina fid dunya hasana, tu lui dis que tu le répètes. Naam. Amma de faire en cœur et de viser cela et de prendre des invocations d'autres que le prophète sallam et de les mettre dans des livres au point de délaisser la sunna et de penser que ces invocations elles sont meilleures que les invocations du prophète sallam, ceci est un égarement évident. Wa nas'alullaha al-afiyah. Arrivé à Mecca, le prophète alayhi salat wa salam irtasal, il s'est lavé. Donc arrivé à Mecca, c'est une sunna que de se laver. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu car il allait faire le tawaf. Et à ce moment-là, depuis Dhul Hulayfa, il arrive à Mecca, il s'est lavé, il a fait le wudu pour aller faire ses rites. Tout ce temps-là, il n'a pas découvert son épaule droite. Il n'a pas fait la sunna qu'on appelle al-ittiba'. Il n'a pas fait cela. Mais ça n'est qu'au commencement du tawaf qu'il a découvert son épaule droite et qu'il a fait passer son vêtement sous les seins. Donc la sunna de l'itiba' c'est pas avant, jusqu'à ce que tu vois certaines personnes brûlent et annihilent l'épaule brûlée ou ayant reçu des coups de soleil et autres en pensant qu'il fait la sunna. Al-Madina, tu le vois déjà l'épaule découverte. D'où l'importance d'étudier les rites du prophète sallam et de partir avec des gens de la sunna qui vont nous orienter, qui vont nous enseigner, qui vont nous motiver, qui vont nous transmettre, qui vont nous corriger. Barakallahu fikum. Le prophète alayhi salat wa salam est donc entré à la mosquée. Il est donc entré à la mosquée, si mes souvenirs sont bons, Mimbabi Bani Shayba. Il y a plusieurs entrées au Masjid Haram. Lui est entré Mimbab Bani Shayba. Mais le pèlerin a le droit de rentrer par n'importe quelle porte. Et il est légiféré en entrant dans la mosquée de rentrer du pied droit et de dire Bismillah. Wassalat wassalam ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. C'est une sunna de dire cela dans n'importe quelle mosquée du monde. Et si tu mémorises A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim, alors cela est encore meilleur. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui rentre dans une mosquée qui dit cette invocation, il sera préservé du diable, du shaytan, tout son jour. Tout son jour. Donc s'il dit cela tôt, il est préservé toute la journée. S'il dit cela tard, toute la soirée, wa hakada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers la pierre noire. Il a découvert son épaule, ce qu'on appelle la sunna de l'ittiba. Il a touché al-rukun. Ce qui est voulu par al-rukun, c'est la pierre noire. On parle de rukunan, on parle de deux piliers à la base. Quand on dit rukunan, ce qui est voulu, c'est la pierre noire et le coin yéménite. Donc le prophète sallam est arrivé à la pierre noire, il l'a touché et il l'embrasse. Ça c'est son agissement, ça c'est l'acte. Qu'est-ce qu'on fait à la pierre noire? Si on peut, on la touche. Si on peut, on l'embrasse. Si on ne peut pas et qu'on a une chose dans la main, on la touche avec cette chose dans la main. À la kulli hal, il l'a touché et l'embrasse. Et il a dit Allahu Akbar. Kabbar. Et à chaque fois qu'il passait à la pierre noire, excepté le dernier tour, il faisait la même chose. Beaucoup parmi les musulmans disent Bismillah, Allahu Akbar. Est-ce que cela a une base ou non? Si ça n'a pas de base, il n'est pas permis de le prononcer. Si ça a une base, on peut le dire. Mais Khayrul Hadi Hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais la meilleure des voies restera la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cela est affirmé dans les textes, et c'est Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma qui a dit cela. Il a dit Bismillah Allahu Akbar. Donc celui qui dit Allahu Akbar asaba sunnah, il aura fait comme le prophète sallam. Mais celui qui dit Bismillah Allahu Akbar, il aura fait comme Abdullah ibn Omar, et c'est un des compagnons, et on ne l'a pas blâmé sur cela. Donc on peut dire Allahu Akbar et c'est meilleur, et on peut dire Bismillah Allahu Akbar, et celui qui fait ça, il aura fait comme Abdullah ibn Omar, il ne sera pas reprochable. Mais khayrul hadi hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des voies est la voie du prophète alayhi salatu wa sallam. Puis ramal fil ashwat al-awwal al-thalath wa masha fil al-baqiyah. Le prophète alayhi salatu wa sallam a fait durant les trois premiers tours ce qu'on appelle ar-ramal. Ar-ramal précisément, c'est l'isra'u fil mashi ma'a taqarub al-khutwa. C'est le fait d'accélérer le pas en les rapprochant les uns des autres. C'est pas le fait de courir dans les trois premiers tours. Non. D'accélérer le pas, de marcher vite, mais sans faire de grands pas. Non, en les rapprochant. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam durant les trois premiers tours seulement. Une fois les trois premiers tours passés après la pierre noire, le prophète sallam a marché. Jusqu'à finir son tawaf, il a marché normalement. Lorsqu'il passait près du coin yéménite, il disait Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde le bien, et dans l'au-delà le bien, et prémunis-nous du châtiment du feu. C'est une dua qu'on trouve dans le Coran, qu'on trouve dans la Sunna. Et un des compagnons, probablement Anas ibn Malik, nous dit l'invocation que faisait le plus souvent le prophète alayhi salatu wassalam était Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ça, c'est une des plus belles invocations qu'il nous faut mémoriser, et c'est la seule invocation qu'il est recommandé, parfaite et particulièrement légiférée de dire dans le tawaf. À quel moment précisément? Au coin yéménite. Al-Ruknul Yamani, la Kaaba a quatre coins, comme vous le savez tous. La pierre noire se trouve ici. Le coin yéménite, c'est l'angle ou le coin qui le précède. Donc, la Kaaba a la pierre noire à cet endroit précisément. D'accord? On va dire à cet endroit de la table, devant moi à ma droite. C'est le premier coin. Puis il y a le deuxième. Ou bien on va dire c'est le premier coin. Puis il y a le deuxième, puis il y a le troisième. Arrivé au troisième coin, c'est ça le coin yéménite. C'est donc le coin qui précède la pierre noire. C'est le coin qui précède le coin de la pierre noire. Il est légitéré de dire à ce moment-là Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Je répète, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tu dis cette invocation là, cette dua là, à chaque fois que tu passes au coin yéménite. Et dans ta vie de manière générale, prononce beaucoup, c'est une sunna. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et son sens, tu demandes tout le bien de ce bas monde, de l'au-delà. On n'a pas dit le bien, yani la santé, ou l'argent, ou la religion, ou les enfants, ou non. On a laissé hasana, de manière absolue comme ça, afin de faire entrer tout le bien dedans. Et on a laissé la protection contre le mal de manière générale, afin de faire entrer tous les maux dedans. Donc quand tu fais cette invocation, tu demandes le bien dans son entièreté à Allah, et tu demandes la préservation contre le mal devant son entièreté chez Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Arrivé au septième tour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose, mais lorsqu'il l'a fini, arrivé au sixième tour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose, mais lorsqu'il a fini le septième, il ne s'est pas arrêté à la pierre noire pour la toucher ou l'embrasser, mais il s'est dirigé vers Maqam Ibrahim. Il s'est dirigé vers Maqam Ibrahim. Qu'est-ce que Maqam Ibrahim? C'est la station, l'endroit sur lequel s'est tenu Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a construit le Kaaba et que son fils Ismaïl alayhi salam l'aidait. Une fois que la Kaaba a pris une hauteur qu'il n'atteignait pas avec ses mains pour poser les briques, il a pris ce qu'on appellerait un escabeau au jour d'aujourd'hui. Et il a mis ses pieds pour être plus en hauteur pour finir l'édifice. Et il y a ses empreintes. C'est ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. Le prophète alayhi salatu wa salam s'est donc dirigé vers Maqam Ibrahim, qui est après la pierre noire. Il s'est mis face à Maqam Ibrahim. Entre lui et la Kaaba, il y avait donc Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim par rapport à la Kaaba, il se trouve exactement en face de moi. Il se trouve exactement en face de moi. La Kaaba est en face. Yani la Kaaba étant, yani on va dire que c'est la table, donc c'est en face. Comme vous, vous êtes dans votre direction. Rasulallah s'est mis comme vous êtes. Et en s'approchant, il a dit وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Il a prononcé ces mots qui sont dans le Coran. Et prenez la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Il a prié comme il faisait ses autres prières, de deux unités de prière. À voix basse, dans la première raka'a, il y a récité le Fatiha et ensuite « Qul ya ayyuha al-kafirun ». Dans la deuxième raka'a, il a récité « Al-Fatiha » puis « Qul huwa Allahu ahad ». Puis, à ce moment-là, il est retourné à la pierre noire. Puis, à ce moment-là, il est retourné à la pierre noire. Et c'est là qu'il a salué à nouveau la pierre noire. Puis il s'est dirigé vers l'eau de Zemzem. Il s'est dirigé vers l'eau de Zemzem. Il y avait énormément de monde. Il a pris de l'eau et il a bu debout. Bien que le prophète alayhi salatu wa salam est interdit de boire debout. Et il nous informe que celui qui boit debout, al-shaytan s'associe à lui dans cela. Al-shaytan s'associe à lui dans cela. Beaucoup de savants, si ce n'est la majorité, disent que de boire debout c'est makro, c'est détestable. D'autres disent non, c'est muharram, car de laisser shaytan s'associer à nous dans les choses, c'est haram. Innahu lakum adou, c'est un ennemi déclaré. Fattakhidhu adou, apprenez-le en tant que tel. Et on voit dans le Coran que shaytan tente de s'associer à Ibn Adam dans tout, dans ses biens, dans son argent, dans les épouses, dans tout, s'il ne prononce pas le zikr. S'il n'est pas dans le halal, le shaitan s'associe à lui. Dans son sommeil, il tente de lui nuire. Wahakana. Mais là, ici, le prophète sallam a bu debout. Qu'est-ce qu'il a bu debout? Il a bu de l'eau de Zemzem. C'est pour cela que certains savants disent c'est interdit de boire debout. Sauf cas de réelle nécessité. Sauf si c'est de l'eau de Zemzem, c'est permis. Boire de l'eau de Zemzem debout, c'est permis, c'est pas détestable. Autre que cela, c'est détestable ou c'est haram. Et ceux qui ont dit c'est haram, ils ont dit que le Prophète sallam, de par son comportement, n'allait pas dire aux gens, poussez-vous afin que je puisse m'asseoir et boire. Poussez-vous afin que je puisse m'asseoir et boire. Mais comme il y avait énormément de monde, et qu'il n'y avait pas la place, il a bu dans l'état dans lequel il se trouvait. Wallahu a'lam. Ensuite, après avoir bu, il a bu beaucoup, il a pris de l'eau, il s'en est versé sur la tête. Il s'est versé de l'eau sur la tête. C'est donc une sunna de se verser de l'eau sur la tête après avoir prié 2 raka'ah. Et certains savants disent que c'est une sunna pour les hommes mais pas pour les femmes. D'autres ont dit non, il n'y a pas de texte qui montre que la femme a une particularité, que l'homme a une particularité ici. Ainsi, même les femmes peuvent faire cette sunna. Wallahu a'lam. ثم خرج إلى المسعى. Puis il est parti et s'est dirigé vers As-Safa. Et il a dit: Inna As-Safa wal Marwa min sha'a'ir Allah. Faman hajja al-bayt aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khayran fa inna Allah shakirun 'alim. Puis il est monté sur la Safa et a dit Abda'u bima bada Allahu bih, ou bien juste avant de monter. C'est-à-dire qu'il a dit, sur la traduction des sens de ce verset de Sourate al-Baqarah, le 158, Safa et Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va et vient entre ces monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et savant. Puis il a dit, nous commençons par ce qu'Allah a cité en premier. C'est-à-dire dans le verset, Allah a cité en premier As-Safa. Alors on va commencer par As-Safa. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam est monté sur As-Safa. Puis il s'est dirigé vers la Qibla. Lorsque vous êtes sur la Safa, la Qibla, c'est en direction de la porte qui est à ma droite. La porte qui est appelée la porte de l'imam. Naam. Et il a dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفنسا يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Donc il a dit التكبير 3 fois. Puis il a dit كلمة التوحيد. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Puis il a appuyé cela, ces deux parties, l'affirmation en disant Wahdahu, puis la négation, il l'appuie en disant La sharika la. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans associé. Il donne la vie, il donne la mort. Wahu ala kulli shayin qadir. Il est parfaitement omnipotent. La ilaha illallah, Wahdahu la sharika la. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans associé. Anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wahda. Puis il a dit, il a tenu sa promesse, a accordé la victoire à son serviteur et a défait tout seul les coalisés, différentes tribus qui sont unies contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam a levé ses mains et il a fait du'a très longuement. Puis il a baissé les mains. Et il a redit cette invocation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à la fin. Puis il a relevé les mains. Et il a invoqué Allah très longuement. Puis il a baissé les mains. Et une troisième fois, il a dit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à la fin. Puis il n'a pas refait du'a. Et il est parti. Donc il a dit 3 fois. L'invocation. Et il a fait 2 fois et du'a entre les deux. Donc entre la première et la deuxième, entre la deuxième et la troisième. Mais pas après la troisième. Puis il s'est dirigé vers Al-Marwa. Il a marché Et une fois arrivé au fond du wadi, et la partie rabaissée de la vallée, il accourut jusqu'à ce que ses genoux se découvrent. Il accourut, donc la sunna c'est de marcher, mais arrivé entre les deux faisceaux lumineux que vous verrez inshallah ou que vous avez vu, il y aura un premier faisceau lumineux vert et un second, bah entre les deux faisceaux, la sunna pour les hommes c'est de courir. C'est de courir vite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Et il a dit une dua. Il a dit Rabbi ighfir warham wa anta al-a'azz al-akram. Ô mon Seigneur, pardonne, fais miséricorde, et c'est toi, certes, le plus noble, le plus généreux. Après, il s'est remis à marcher. Il s'est remis à marcher. Et ce, jusqu'à arriver à Al-Marwa. Quand il est monté sur Al-Marwa, il a fait exactement la même chose. C'est-à-dire dire Allahu Akbar, Allahu Akbar jusqu'à la fin, puis lever les mains, faire dua, puis les baisser, redire Allahu Akbar, Allahu Akbar jusqu'à la fin, puis relever les mains, faire dua, puis les baisser, puis dire une troisième fois Allahu Akbar, Allahu Akbar jusqu'à la fin, et il est parti vers, en direction de As-Safa. Arrivé, fi batn al-wadi, où il y a les deux faisceaux lumineux verts, il accourt. C'est ainsi qu'il a fait sept allées. Premièrement, de Safa jusqu'à Al-Marwa, ça fait un aller. De Al-Marwa jusqu'à Safa, ça fait deux allées. Et ensuite de suite, jusqu'à atteindre le nombre de sept. Lorsqu'il eut atteint ce nombre-là, il ne fit pas l'invocation. Donc, au septième allée, il ne s'est pas redirigé à nouveau en direction de la Qibla. Au premier allée, yani à Safa, la Qibla allait comme ça. Al-Marwa, tu te retrouves à l'inverse. D'accord? À l'opposé. Donc, la Qibla, elle sera comme cela. Tayyib. Naam. Donc, si Safa, c'est ici, la Qibla, elle est comme ça. Si Al-Marwa, c'est ici, la Qibla, elle est comme ça. Lorsqu'il a fini, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé aux compagnons. Il s'est adressé aux compagnons. Et vous vous souvenez qu'au début, il leur a laissé le choix. Certains ont fait comme le prophète sallam. Certains ont fait juste le hajj al-ifrat. Mais à ce moment-là, il a dit que toute personne qui n'a pas amené la bête à sacrifier pour le hajj, finissent et sortent de l'état d'ihram. C'est-à-dire qu'ils en fassent une omra. Qu'ils en fassent une omra. Quant à lui, il est resté en état d'ihram. Pourquoi? Liannahu saq al-hadi, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui avait apporté la bête du sacrifice à sacrifier. Il avait apporté, sallallahu alayhi wa sallam, combien de bêtes? Man yujib. Qu'est-ce qui répond à ça? Nous, quand on va au hajj, en général, on achète combien de moutons, par exemple? La majeure partie des gens achètent combien de moutons? Un seul mouton. On l'achète combien maximum? 110 euros? 115 euros avec le change qui a baissé, par exemple? Taïb. Savez-vous combien de bête le prophète a amené de l'Médina jusqu'à Mecca avec lui, subhanallah. Nous, on voyage en avion. Nos valises, on ne les porte pas. On les récupère à la fin. Malgré ça, on se plaint de par la faiblesse de l'imam et de par l'ignorance du grand rite qu'on accomplit, subhanallah. Non. L'un d'entre eux, s'il n'a pas un vol direct, il se plaint avant même d'être parti. Et l'autre qui est malade ici, il aimerait même une escale de 48 heures pour faire son hajj. Mais seul Allah Azza wa Jalla accorde la réussite. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a pris 100 bêtes. Allahu Akbar. 100 bêtes. Qui a le iman, qui a la foi d'acheter 100 moutons pour le hajj? 100 moutons pour le hajj. Et distribuer cette viande aux pauvres et en manger une partie. Quel iman de faire cela? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si ça fait 110 euros le mouton calculé, ça reviendra à combien? Celui qui achète 11 000 euros. Les commerçants, il n'y a pas le temps, la calculatrice. Hein? 11 000 euros. Allahu Akbar. C'est-à-dire que la personne, elle dépense 11 000 euros pour de la viande qu'elle ne va pas manger. Pour de la viande qu'elle ne va pas apporter à sa famille. Mais pour faire couler cela pour Allah subhanahu wa ta'ala en recherchant sa récompense. Allahu Akbar. Seul le dîn peut faire atteindre aux hommes cette noblesse-là. De donner ce qu'il aime pour attendre l'agrément de celui qu'il aime par-dessus tout. Allah subhanahu wa ta'ala, al-wadud. Al-wadud subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il leur dit de sortir de l'ihram et de faire de ce rite-là une amra. Puis se mettre en état d'ihram par la suite, le huitième jour de Dhul-Hijjah, le jour qu'on appelle Yom al-Tarwiyah, pour aller à Mina et commencer le hajj. Mais lui, il est resté en état d'ihram. Pourquoi? Il a dit, si je n'avais pas avancé autant, j'aurais changé. Yani, c'est trop tard. Moi, j'ai ramené les bêtes à sacrifier. Je les ai amenées avec moi. Donc, celui qui amène la bête, lui, il a fait le qiran, il reste en état d'ihram. Il reste en état d'ihram. Jusqu'au dixième jour où il va faire tawaf, va sacrifier la bête et ainsi de suite se raser les cheveux. À ce moment-là seulement, il sort de l'ihram. Mais il a dit aux autres compagnons, ceux qui n'avaient pas les bêtes, sortez de l'ihram et faites-en amra. Passez du hajj à la amra et vous vous remettrez en état d'ihram par la suite. Comment on appelle ce rite-là? Celui du prophète alayhi salatu wassalam, c'est faire entrer la amra dans le hajj. Le rite qu'il leur a dit de faire, il s'appelle At-Tamattu', et c'est le meilleur rite. Avant cela, c'était égal, parce que le prophète n'aura pas dit faites ceci ou cela. Il a fait lui une sorte et il a laissé les autres faire d'autres. Mais à ce moment-là, il leur a dit faites ainsi. Ça prouve que le meilleur rite, c'est At-Tamattu'. C'est de partir, de faire la Umra, puis de sortir de l'Ihram, et le huitième jour de l'Hijjah, se remettre en état d'Ihram, comme la plupart le font, wallah alhamd. Ali radiallahu anhu, si vous vous souvenez, lors du dernier cours, nous avons mentionné qu'il était en expédition, il était en da'wah. Plutôt, il était en da'wah. Ben, il est revenu, il a atteint le prophète, alayhi salatu wassalam, au hajj. Il a vu son épouse Fatima, radiallahu anha, parce que le prophète a fait le hajj avec ses épouses, avec Fatima, radiallahu anha, avec tous ceux qui ont eu la capacité. Ali ibn Abi Talib l'a vu, comme si elle n'était pas en ihram, il a vu des choses que la femme ne fait pas en état d'ihram. Il l'a comme blâmé. Elle lui a répondu, c'est mon père qui m'a ordonné de faire cela. Qui est son père? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va pas prendre ce texte-là et le père il va dire, hein, ça veut dire moi j'ordonne et mon beau-fils il ordonne pas alors. Comme certains le font. L'époux, il dit à l'épouse, fais ceci ou cela, ou ne fais pas ceci et cela. Elle veut suivre ses passions dans une action. Elle va à l'alimentation, elle veut manger cela, elle veut acheter cela. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son père. Elle lui dit, est-ce que je peux faire ça? Il lui dit, quand elle lui dit, mais pourquoi? Elle dit, mais c'est mon père qui a dit. Non. Comme le fils qui est parti voir la mère, elle lui a dit non. Ou plutôt, il est parti voir le père lui a dit non. Ensuite, il va faire du charme à la mère, elle dit oui. Ouah, elle lui dit oui. Lui, ce père-là, il n'a pas le droit de semer la discorde entre sa fille et son gendre. Hakada. Mais il lui convient d'orienter sa fille vers ce dans quoi il y a l'agrément d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de faire prévaloir ce que son époux souhaite. Car, une fois la fille mariée, le droit le plus grand sur elle, parmi les hommes, après le droit du prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui de son époux. Or, avant cela, c'était celui de sa mère, puis celui de son père. Barakallahu fikum. Ali radiallahu anhu est parti voir le prophète alayhi salam comme pour blâmer Fatima radiallahu anha, car elle faisait une chose que lui ignorait. Et il ne connaissait pas que c'était une bonne chose. Et le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué donc cette mas'ala. Il a expliqué cette mas'ala. C'est que celui qui n'a pas porté la bête, il peut sortir des haram, il en fait une amra, puis il se remet en état d'ihram. Un homme, Suraqah ibn Malik, radiallahu anhu, a dit, ya Rasulallah, est-ce que ce que tu viens de nous ordonner, c'est que pour cette année ou bien c'est pour toujours? Et il lui a dit, plutôt pour toujours. C'est-à-dire la permission de faire entrer la Amra, yani de faire le rite at-tamattu'. De faire le rite at-tamattu'. Le huitième jour du mois de Dhul-Hijjah, on l'appelle Yom Mutarwiyah. Yom At-Tarwiyah. At-Tarwiyah, yani le huitième jour de Dhul-Hijjah, c'est le jour où on commence le Hajj. On se met en état d'ihram à partir de notre hôtel ou de notre habitation et on se dirige à Mina. Ce jour-là, on l'appelle Yom At-Tarwiyah parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau à Mina. At-Tarwiyah, c'est comme le fait de prendre les provisions d'eau, de s'abreuver. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les compagnons ou les gens à l'époque? Ils remplissaient leur récipient d'eau et ils abreuvaient leur monture. Parce qu'à Mina, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc on appelait ce jour-là Yom At-Tarwiyah. Yom At-Tarwiyah, le jour où on prend l'eau. Arrivé à Mina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mina ce jour-ci. Et il y a prié le Dhuhr en son temps. Il y a prié le Dhuhr en son temps. Donc la sunna, c'est de sortir avant le zénith, d'y arriver, de prier là-bas le Dhuhr. Qassar wa lam yajma. Il a prié chaque prière en son temps, mais il a fait le qassar. Il a prié chaque prière en son temps, mais il a fait le qassar. C'est-à-dire qu'il a prié le Dhuhr en son temps. Deux raka'a. Il a pris l'asr en son temps, deux raka'a. Il a pris le maghrib, trois, il a pris l'isha. Qu'en est-il de celui qui n'est pas voyageur? Déjà ici, on voit que le voyageur qui est sur place, la sunna, c'est pas qu'il colle les prières. La sunna, c'est qu'il prie chaque prière en son temps. Mais tout en faisant le qasr. Donc le qasr, c'est comme si on peut dire, automatique, c'est toujours. Et ça, tant qu'il y a le voyage, il y a le qasr, plutôt. Mais le jama, c'est pas tout le temps. Le jama, c'est lorsqu'il y a la nécessité. Qu'en est-il de celui qui n'est pas à distance de voyage? Al-Sahaba, ceux de Mecca également, ils ont fait al-qasr. Ça montre que le qasr, c'est pour le hajj. C'est pour le hajj. Donc la personne, elle fait le qasr. Amina, elle prie deux raka'a. Elle prie deux raka'a. Puis, le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié al-Fajr. Amina. Puis, il est sorti en direction de Arafah. Là, nous sommes le neuvième jour de Dhul-Hijjah. Nous sommes le neuvième jour de Dhul. Al-Hijjah. Et c'est le jour de Arafah. C'est un des meilleurs jours chez Allah, un des meilleurs jours de l'année. Allahu Akbar. Un jour dans lequel le prophète sallam nous dit, il n'y a pas un jour dans lequel Allah Azza wa Jal sauve plus de gens de l'enfer, affranchit plus de gens que l'enfer, de l'enfer que le jour de Arafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je vais écourter la fin du pèlerinage et on reprendra la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, on détaillera à partir du huitième jour de Dhul-Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti et en chemin, Ils lui ont mis une qubba, ils lui ont fait un, comme on va dire, un camp où il y a attendu. Puis, il est parti, il est arrivé à Arafat. Il est arrivé à Arafat. Il a dit Al-Hajj ou Arafat. Al-Hajj c'est Arafat. Celui qui manque ce jour, il a raté le Hajj. C'est le plus grand pilier du Hajj. Il a raté le Hajj. Mais celui qui arrive à Arafat, même s'il n'a pas fait le huitième jour de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire il n'a pas été à Mina, Yom al-Tarwiyah, alors son Hajj est valable. Car le huitième jour est recommandé, et c'est, ça ne rentre pas dans les péchés que de rater ce jour-là. Mais celui qui rate Arafat, il a raté son Hajj. Il a raté son Hajj. À Arafat, le prophète, alayhi salatu wassalam, est parti à Namira, il a fait la khutbah, la célèbre khutbah. Il est resté à Arafat, et il a pris le Vahr et l'Asr en deux rak'ah, avec un adhan et deux iqab. Il n'a rien prié entre les deux. Il a fait le Vahr, deux rak'ah, puis il a fait l'Asr, deux rak'ah. Ensuite, il est monté sur sa chamelle. Et Allahu Akbar, il a fait dua. Il a levé ses mains. Il est parti à un endroit précis. Et il a levé ses mains, il a fait dua. Jusqu'à proche du coucher du soleil, lorsque le rond a disparu. Allahu Akbar. Qui peut tenir un dua dans cette chaleur? Au jour d'aujourd'hui, il y a la climatisation dans beaucoup de tentes. Avant, tu rajoutais un supplément, peut-être 100 euros par personne. Là maintenant c'est compris peut-être dans la plupart des tentes. Malgré ça, c'est le jour où les gens dorment le plus de par la forte chaleur. De par la forte chaleur. Na'am. Et la fatigue et ainsi de suite. Et ils ont passé une nuit comme ils n'ont jamais passé. Ils n'ont pas eu peut-être leur confort habituel, leur nourriture habituelle. Ils ont laissé cela pour Allah Azza wa Jalla. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus fort des hommes et le plus pieux des hommes. Et une chose exceptionnelle qui s'est produite, c'est que le sahabi nous rapporte qu'à un moment, les rênes de la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tombées. D'accord? Pour rattraper les rênes, quand tu fais deux, tu lèves tes deux mains, n'est-ce pas? Il a lâché une main pour prendre les rênes, et il a gardé la deuxième. C'est-à-dire que rien n'allait le distraire de faire cette ibad. S'il faut une main pour ramasser la chose, il va utiliser une main, il laisse l'autre main debout. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Rien ne la distrait de dua en ce jour-là. Le jour où Allah sauve les gens de l'enfer, comme il n'y a pas d'autre jour dans lequel ils sont sauvés. Puis, il n'a pas pris le Maghrib à Arafat, mais il est parti à Muzdalifa. Les gens sont partis à Muzdalifa. Et une fois à Muzdalifa, il a prié le Maghrib avec l'Isha. Le Maghrib 3 raka'a et l'Isha 2 raka'a. Puis, il s'est reposé jusqu'au Fajr. Il n'a pas prié durant la nuit, mais il n'y a pas de mal à prier la nuit. Il a prié le witr. Car il ne sait jamais le witr. Même si ça n'a pas été mentionné dans un hadith particulier. Au matin, il a effectué la prière du fajr. Puis il est resté, il a fait du dhikr. Et proche du lever du soleil, il est parti. En venant, il portait Usama, son bien-aimé, fils de son bien-aimé. En partant, il portait le fadl. Ibn al-Abbas. Des femmes sont venues ou sont passées sur des montures. Et le fadl avait son regard en leur direction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tourné la tête pour lui a détourné le regard des femmes. Et les femmes ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu. Puis il s'est dirigé vers la grande stèle qu'on appelle Jamratul Aqaba. On lui a ramassé cette petite pierre. Il a lapidé cette stèle-là. Puis il est parti se raser la tête. Puis il a fait le tawaf avec ses vêtements. Donc cela montre qu'il est sorti de l'ihram. Il a sacrifié les bêtes. Il avait 100 chameaux. C'est combien un chameau? Qui sait combien coûte un chameau? Des centaines d'euros. Un chameau, ça coûte des centaines d'euros. Allahu a'lam le prix. Par exemple, 500 euros, 600 euros là. Allahu a'lam. Il en a pris 100. Et il en a sacrifié 63 de sa main. 63 de sa main. Il a donné le reste à Ali ibn Abi Talib. Et en cela, les savants disent, il y avait un signe qu'il allait décéder. Naam, dans l'année suivante. Parce que il a sacrifié 63 bêtes et il est décédé à 63 ans. Tout comme est décédé à, yani vous rechercherez pour la semaine prochaine, qui parmi les compagnons est décédé également à 63 ans, parmi les compagnons les plus célèbres. Il s'est lavé, il s'est habillé, s'est parfumé, ou Aïcha le parfuma, puis il est parti faire le tawaf. Ce tawaf-là, yani, celui qui fait le hajj al-tamattu', c'est tawaf ou l'ifad. C'est le tawaf du pèlerinage. Et ensuite, il fait sa'i. C'est le sa'i du pèlerinage. Quant à la personne qui ne fait pas ce rite-là, il y aura des divergences dans la manière de faire son rite. La femme qui était indisposée et qui n'a pas pu faire la Umra, elle fait passer cela dans le Hajj. Puis, elle fera ce tawaf-là et ce sa'i-là. Ça sera le tawaf et le sa'i du Hajj. Si elle est indisposée, elle laisse le tawaf. Elle peut tout faire, mais elle laisse le tawaf. Une fois pure, elle fera le tawaf. Le prophète sallam a fini ses rites et il est rentré à Mina. Par la suite, il s'est assis et les gens sont venus le questionner sur leur rite. Certains disent, ya Rasulallah, j'ai pas fait attention, j'ai sacrifié la bête avant d'avoir lapidé. Il a dit, il n'y a pas de mal. L'autre a dit, j'ai fait le tawaf avant d'avoir sacrifié. Il a dit, il n'y a pas de mal. Chaque personne qui dit, j'ai fait ça avant, j'ai fait ça après, il disait, il n'y a pas de mal. Quant à la sunna, c'est de d'abord lapider la stèle, sacrifier la bête, se raser la tête, faire tawaf, et celui qui a fait pas fait sa'i, faire sa'i. Un moyen mémotechnique pour retenir cela, tu retiens le mot ranhat. Ranhat. Le ra pour un rami. Le noun pour un nahr, le sacrifice. Le ha pour un halq, se raser la tête. Et le ta pour être tawaf. Amina, il a donc répondu aux questions déjà. Il y a passé la nuit. Et après le zénith, il est parti lapider. Les trois stèles, en commençant par la petite, puis la moyenne, puis la grande. Et il faisait ça chaque jour. Le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour. Il a dit avant le 13e, celui qui veut partir avant, il a cela. C'est-à-dire, il peut le faire. Il peut faire jusqu'au 12 et il part. Et celui qui veut faire jusqu'au 13e, il a cela. C'est-à-dire qu'il peut faire. C'est la sunna. Et on a la permission de sortir de Mina. Mais l'obligation, c'est le mabit bimina. C'est de dormir à Mina. La plupart de la nuit. Ensuite, il est sorti de Mina, et ainsi il a fini son hajj. Et les musulmans ont fini leur hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons que personne ne parte de Mecca en ayant fini son hajj, si ce n'est en faisant un tawaf avant de partir. C'est ce qu'on appelle tawaf ul wada'. Quand tu finis tout ce que tu as à faire avant de partir, après avoir fait tes courses et autres, tu fais un tawaf d'adieu. Et après cela, tu pars. Aïcha radiallahu anha est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam. J'ai oublié de mentionner qu'elle était indisposée. Elle était indisposée, donc elle n'a pas pu faire la umrah. Elle pleure, elle prend celle, lui a dit, que t'arrive-t-il? Probablement que tu es indisposé. Elle lui a dit, fais tout ce que fait le pèlerin, sauf que tu fais pas le tawaf. À la fin, après avoir fini le hajj, elle a dit au messager d'Allah, j'ai envie de faire une umrah. Il lui a dit, c'est suffisant, tu as fait le hajj. Elle a dit, ya Rasulallah, j'ai envie de faire une umrah. C'est suffisant, tu as fait le hajj. Elle a insisté. Puis elle a dit, comment pourrais-je accepter que mes co-épouses retournent à Médine avec une umra et un hajj et moi seulement un hajj? Alors le prophète sallam lui a permis d'aller faire une umra et a dit à son frère Abdurrahman de l'accompagner. Ils étaient plus de 100 000 et tous attendaient une seule femme. Ils étaient plus de 100 000 et tous attendaient une seule femme. Qui faisait sa umrah. Où sont les musulmans de cette patience au jour d'aujourd'hui? Lorsqu'il y a le rendez-vous avec le bus, le cas, pour partir à Médina, pour partir à Jeddah, pour rentrer dans le pays, tu trouves que si la femme a 5 minutes de retard, l'homme a honte de rentrer en car en retard, alors peut-être qu'il se dispute avec elle et il commence à manger les hasanats qu'il a obtenus dans le hajj. Et il se dispute. Au hajj, tu les trouves qu'il se dispute. Et هذا من عمل الشيطان. Et Shaitan ne veut pas que tu réussisses ton hajj. Il va utiliser tout ce qu'il y a pour te distraire dans ton hajj. Une affaire, un commerce. Subhanallah, je suis pas là, peut-être ils vont pas faire bien ça, peut-être qu'il va prendre dans la caisse, peut-être que kaza, peut-être que Subhanallah, j'ai une occasion, et il va être occupé avec la tijara dans son cœur et dans son mada, dans sa langue ou dans ses mains avec le téléphone. Ou bien un souci avec un enfant, ou un souci avec une femme, ou un souci avec le patron, ou un souci avec un employé. Le shaitan fait tout pour que tu sois distrait dans ton hajj, que tu rates le hajj et que tu ne te rendes pas compte de la ni'ma dans laquelle Allah Azza wa Jal t'a mis. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sallallahu tawfiq. Ainsi, l'islam a immensifié la femme, comme personne, comme aucune autre voie, aucune autre religion n'a pu le faire. Par la suite, ils disent, les musulmans ne considèrent pas la femme, les musulmans oppriment la femme. Subhanallah. Ils sont prêts à dénuder la femme pour vendre un paquet de chewing-gum qui coûte 1 euro. Il coûte 1 euro. Non. De force, ils touchent des femmes. Peut-être même ils font pire que cela. Puis ils vont en prison 1 an ou 2 ans et ils ressortent. Puis ils recommencent, ensuite on les remet. Et on dit, mais ils sont malades. Allahu Akbar. Cela est la valeur de la femme chez vous? En islam, celui qui touche une femme qui ne lui est pas licite, celui qui agresse une femme qui ne lui est pas licite, il n'aura pas l'occasion de sitôt de le refaire. On voit ici une grande sagesse, une grande science, c'est qu'ils n'ont pas refait une umrah, alors que Aïcha est partie faire une umrah. Ainsi, là, ça n'est pas une sunnah que de faire plusieurs umrah dans un seul voyage. Parce qu'on voit qu'ici, les sahaba n'ont pas refait une umrah, alors qu'ils attendent Aïcha radiallahu anha. Pourquoi pas refaire une umrah? Abdurrahman lui-même, qui a accompagné sa sœur radiallahu anhuma, n'a pas refait l'umrah en apparence. Que dire alors avec le grand nombre qu'il y a de nos jours? Mais on ne dit pas qu'elle n'est pas valable. S'il l'a fait, beaucoup de savants disent que c'est valable. Certains savants disent qu'il n'y a même pas de mal, parmi nos grands savants, comme Ibn Baz, rahmallahu ta'ala, et d'autres. Mais, plus proche de la sunna, c'est de ne pas refaire une deuxième umrah lorsque tu fais al-umrah. Mais celui qui veut faire plusieurs umrah, pendant le hajj, ou avant le hajj, ou après le hajj, ou mada après l'umrah, na'am, on ne dit pas que c'est pas valable. Mais, ce qui apparaît, c'est que de ne pas faire deux umrah avec un seul voyage, c'est plus proche de la sunnah. Ainsi a été le hajj du prophète alayhi salatu wa salam. Et lorsqu'il est arrivé à Mecca, j'ai oublié, c'était lorsqu'il est parti de Medina, après, yani lorsqu'il est resté 5 nuits du mois de Dhul-Qi'dah, il est arrivé à Mecca après 5 nuits de Dhul-Hijjah. Après 5 nuits de Dhul-Hijjah. Tayyib. Donc c'était un voyage de combien de jours? Taqriban, environ une dizaine de jours. Allah Akbar. Un voyage d'environ une dizaine de jours pour effectuer le Hajj. Et tu trouves le frère miskin, prend l'avion, il a une escale de 3 heures, il a une escale de 6 heures, il a une escale de... Et il pleure, subhanallah. Il dit c'est trop dur, et moi j'ai payé cher, et moi j'ai mal aux pieds, et moi j'ai faim, wakada. Allah Akbar. Est-ce qu'on est à ce niveau-là, ikhwan al-kiram, de ne pas connaître la valeur du Hajj et d'être faible comme cela? Les sahaba, certains, wallahi al-azim, certains ils étaient à pied. Et certains ils avaient une monture pour deux, subhanallah. Il n'y avait pas l'avion. Il n'y avait pas l'avion. Naam. Et malgré ça, on arrive, on est fatigué. Malgré ça, on arrive, on ne fait pas beaucoup de dua. Certains font les rites et ils les font vite, vite, vite pour passer à la suite. Et Allah al-Musta'an, ماذا نقول, ماذا عسى أن نقول, qu'est-ce qu'on peut dire? Si ce n'est astaghfirullah wa atubu ilayh. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.